vénère parce que sensible. C'est ça la vérité. Révolutionnaire parce que sensible. C'est pour ça qu'on se donne la main, camarade. C'est pour ça que la solidarité, la puissance. Partager la puissance de la solidarité. Thank you, bro. I need to go to... I need a pause.